الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك نتي أغيفي أ لا غايغل 4 سي سا ها طيب كي سي سوفيان دو سيت ريغل لا كي سي كي بو نو لا ريزومي سيت ريغل لا باسكو افون دو رونتري دون لوف دو سوجي ان شاء الله اون اي توجور دون سكون ابل مبحث الالفاظ مبحثو الالفاظ c'est-à-dire la recherche dans ce qui est tout ce qui est tout ce qui est les mots ou la terminologie. نعم. Pourquoi c'est important de connaître les alfaz et les alaqat et les liens que peuvent avoir les mots entre eux? Parce que c'est à partir de là que les mubtadi'a, les innovateurs ont infiltré leur mal. Hein, leur char à ce niveau-là, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à dire, qu'ils ont commencé à émettre toute forme de shubuhat, d'ambiguïté dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important pour le musulman de faire la différence entre un synonyme, un homonyme, etc., etc., ou alors une parole qui veut dire, ou alors un mot qui a plusieurs sens, d'accord, tout ça c'est important. Parce que c'est de par cette voie-là qu'ils ont infiltré toutes leurs ambiguïtés. Vous avez compris ça, Inch'Allah, et on répète à chaque fois cela. Et comme on a dit que les qawaïd au départ, tu ne vas pas savoir tout de suite pourquoi Shir les cite, mais à la fin, tu vas voir que c'est un tout. C'est comme s'il est en train de te mettre... C'est comme si, tu vois, quand tu construis une maison, il y a un pilier là, ensuite il y a un pilier là. Toi, tu ne sais pas au départ pourquoi. Ensuite, il y a un pilier là, ensuite il y a un pilier là. Toi, tu ne sais pas encore pourquoi. Mais à la fin, quand tu vois que khlas, la maison elle est faite, là, tu as compris pourquoi il y avait les piliers. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, on continue dans les qawa'id. Alors, vous vous souvenez de al-mutabaqa, al-tadammun, ou l'iltizam. D'accord? Al-mutabaqa, comment on l'avait traduit, al-mutabaqa? Correspondant, c'est ça? La correspondance. Taïb, la correspondance, c'est-à-dire qu'on prend, qu'on dit par exemple, lorsqu'on dit une maison, on dit, c'est un lav, c'est un terme, d'accord? Wa dilalat al-mutabaqa, ce qui correspond à une maison, c'est tout ce qu'il y a dedans, d'accord? C'est un tout, la maison. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est un tout. Donc c'est les fondements, c'est les piliers, c'est le sol, c'est le toit, c'est les murs, etc. Ça, tout ça, ce tout-là s'appelle une maison. Taïeb. Ensuite, dalalat al-tadammun, tu prends une partie de cette maison. Par exemple, les toilettes, le carrelage, etc. Tout ça, ça fait partie de la maison. Est-ce que c'est la maison en elle-même? Non. On dit ça, c'est tadammun. D'accord? Hada min dhimni hadhihi al-bayt. De quoi est composée cette maison? Il y a ça dans cette maison. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ensuite, on avait parlé de El-Iltizam. El-Iltizam, on a dit que c'était un lazim kharij. C'est-à-dire que la maison, c'est une maison, d'accord. Mais c'est qui l'a fait, cette maison? D'accord? C'est un ingénieur, c'est un architecte. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc maintenant, on va continuer sur... On a pas hâte de cela. Les autres règles, est-ce qu'elles étaient bien assimilées? Alas, on continue, Inch'Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى دلالة الالتزام مقيدة لطالب العلم مفيدة عفوا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. Ça, on avait expliqué que dilalat al-iltizam, c'est-à-dire la dernière forme d'argumentation, c'est ça, dilala, comme vous l'avez traduit? Hein? Dilalat al-iltizam, c'est l'implication. Ce qu'implique telle chose, telle preuve, que ce soit un verset coranique ou alors un hadith. Qu'est-ce que ça implique? On avait dit que c'était mufid, que c'était profitable pour qui? Pour le talib ilm, pour l'étudiant. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, il y a stambit, ou il y a stakhrij, c'est-à-dire il sort des leçons, d'accord ? Il tire des leçons plutôt, plusieurs leçons d'un seul texte. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, dans son kitab al-Tawhid, il te met un verset, et ensuite il te met un hadith, d'accord ? Et ensuite il te dit « Masa'il », صح ? « Masa'il », qui ne veut pas dire « Masa'il », c'est-à-dire « Mas'ala », « Jam'a Mas'ala », c'est-à-dire « question ». Non, il veut dire « leçon à tirer de cela ». Et les leçons à tirer de cela, il les tire du hadith ou du verset qu'il a cité. Vous avez compris ? D'un seul verset et d'un seul hadith, on peut citer, ou plutôt tirer énormément de leçons. Mais ça, ça vient de quoi ? Ça vient de « dilalatesh al-iltizam ». Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ça, ça vient de quoi ? Ça vient de « dilalat al-iltizam ». Ça veut dire « hada yelzem hada »,« hada yelzem hada »,« hada yelzem hada ». Mais après, vous allez me dire « oui, mais des fois, le lazim ». Le lazim, répète-moi, qu'est-ce que ça incombe, c'est ça ? Application, ouais. Qu'est-ce que ça implique, ce verset-là ? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « U'abudullah, wa la tushiriku bihi shay'a » Taïeb, adorez votre Seigneur et ne lui associez rien. Est-ce qu'on peut voir dans ce verset, est-ce qu'on peut déduire de ce verset-là ? Hacha, bien sûr. Hein, qu'il y ait du shirk dedans. Qu'il y ait une forme de shirk dedans. Qu'il y ait une possibilité, c'est-à-dire, ouais, de faire du shirk. Impossible. Non. Parce qu'il y a un nafi et il y a un ithbat. C'est pour ça. Vous avez compris, Sanchez ? Il y a un nafi, il y a une négation et une affirmation. Vous avez compris ? Adorer votre Seigneur, si c'était tout seul à adorer votre Seigneur, oui. On pourrait dire, et on peut adorer autre chose. Fa'alala. Mais le fait qu'il y ait un nafi, vous avez compris ? Le fait qu'il y ait une négation, là, il n'y a plus le choix. Vous avez compris ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il a bien montré, il a bien bayen, hein, le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose plus wadih dans le Coran que le tawhid. Dans le Coran et dans la sunnah, vous avez compris ? Est-ce que maintenant il y a un lazim, est-ce que tu peux toi venir déduire quelque chose d'autre ? C'est-à-dire du shirk, ou une bid'a, ou quelque chose, hein ? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, à travers les textes, tu ne peux pas tirer, on va dire, ce que ça implique, ou ce que ça... Naam. Tu ne peux pas tirer, yani, des fausses leçons, d'accord, du Coran et de la Sunna. Pourquoi on vous parle de ça, du lazim ? Ça va venir, pourquoi ? Taïeb ? Donc, déduire ou tirer des leçons, d'accord, de dalalat al-iltizam, ça, c'est une chose qui est très importante à savoir, mais, des fois, il est possible que des gens vont nous dire, mais peut-être que ça encombre autre chose. Peut-être que ça encombre aussi ce qu'ils veulent eux, c'est-à-dire les mubtadi'a. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et les mubtadi'a, c'est en regardant dans les textes et avec dilalat al-iltizam qui ont dit, hada. يلزم منه كذا. Vous avez compris ? Ils ont dit هذا يلزم منه كذا. Vous avez compris ? Il dit cela incombe cela et cela incombe cela. Comme on l'a vu au départ. Hein, ils sont partis dire par exemple sur le fait que si Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de sifat, ça veut dire que hein, il y aurait plusieurs dieux. On leur dit d'où vous sortez ça ? D'où vous ramenez des talazumat comme ça ? Ou alors si vous dites que Dieu, si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala à une main, forcément vous l'avez fait ressembler aux créatures. Ça, ce lazim, c'est ce qu'on appelle lazim. Répète le mot encore une dernière fois là, que je le redis. Voilà. Cette implication-là, hein, taïb, que cela implique que Allah ressemble à ses créatures. D'où vous le sortez, ça ? Vous avez compris ? Et nous, maintenant, on va apprendre à savoir quand est-ce que c'est une bonne implication ou une mauvaise. Vous avez compris ? C'est là l'ouverture de ce chapitre-là. Vous avez compris ? طيب واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا طيب كيف يمكن لي سان فرنسي إبراهيم Sache que ce qui est signifié par implication Ce qui est signifié par implication. C'est toujours, on parle du lazm. Regardez maintenant, on va essayer d'apprendre au moins un mot en arabe, comme ça j'évite de le répéter. Lazim, c'est l'implication. Lazim. Lazim, ça veut dire que ça incombe cela, ça implique cela. Vous avez compris? C'est ça le lazim. Taïb. Que ce soit dans la parole d'Allah ou celle de son prophète, il s'avère être véritablement une signifiée implicite. C'est donc une vérité, car la parole d'Allah et celle de son messager sont une vérité. Mais implicite de la vérité est également une vérité. Du fait qu'Allah connaît parfaitement la signification implicite de sa parole et celle de son envoyé, c'est donc un propos. C'est donc un propos voulu. Aïwa. Bon, maintenant je vais m'expliquer. Taïb. On va essayer d'expliquer cette règle-là. Donc on a dit, les paroles des gens, c'est une chose. D'accord ? Et on va le voir. Juste après ça, Inch'Allah. Par contre, la parole d'Allah et la parole du prophète, ce n'est pas la même chose que la parole des gens. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Pourquoi on dit ça ? Parce que la parole d'Allah et la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, sont lazim, ce que ça implique, d'accord ? C'est que vérité. Ça ne peut pas être quelque chose de faux. Même dans l'aql. Et je dis bien même dans l'aql. Même dans notre raison. Parce que eux, les shayatines, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oui, mais ça implique ça, ça implique ça, ça implique ça. Mais à la fin, quand tu regardes, tu vois qu'il y a même des contradictions au niveau de quoi ? Au niveau du aql, que ce n'est pas possible. Et cela prouve la première règle que je vous ai parlé. Enfin, ce n'est pas la règle ici, mais dans la Mokaddima, dans la préface, si vous étiez ici. Je vous ai dit que les textes authentiques ne vont jamais en contradiction avec quoi ? Avec le aql. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Puisque la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wassalam n'implique que la vérité. Et cette vérité-là, comment on la connaît ? On la connaît aussi à travers notre aql. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Lorsque je vous dis, est-ce que lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, est-ce que ça veut forcément dire qu'il ressemble aux créatures ? Vous me dites non, c'est vrai ou c'est faux ? Pourquoi ? Parce que vous avez l'exemple concret dans la vie de tous les jours que un tel a une main, mais il ne ressemble pas forcément à un tel. Sahulala. Vous l'avez ça. Et c'est quel est l'outil qui vous a permis de comprendre cela ? C'est quoi ? C'est ton aql. C'est votre aql. Fahimtum hada ? Donc le lazim, l'application là, le lazim de la parole d'Allah et de la parole du prophète alayhi salatu wasalam ne peut être que vérité et ne peut pas être leurs innovations là. Ça ne peut pas être l'innovation des innovateurs comme on va le voir inshallah ta'ala. Fahimtum hada? طيب. نقول لازم من كلام الله اذا صح ان يكون لازما فهو حق. طيب, il répète donc la règle. طيب, اهل التعطيل, qu'est-ce qu'ils disent? Ahlu al-ta'til, ils disent « Yelzamu min ithbat al-sifat ithbat al-tamthil » Ça, vous ne l'avez pas, vous l'avez dans le charh, normalement. Ils disent « Yelzamu » Regardez, « lazim » « Yelzamu min ithbat al-sifat ithbat al-tamthil » Si on affirme les sifat, les attributs, forcément, on affirme qu'il y a un tamthil. Un tamthil, c'est-à-dire une ressemblance. D'accord ? طيب. وإذا لازم إثبات الصفات وإذا لازم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات. Regardez, vous avez compris leur raisonnement, regardez, c'est un mécanisme. Ils ont dit, si tu ethbutes les sifat, tu vas ethbut le tamthil, c'est-à-dire la ressemblance à Allah. Et si tu ethbutes le tamthil, là on a l'obligation de rejeter quoi ? De rejeter les sifat. Donc nous, on n'a fait que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Vous avez compris ? طيب. لِيَنَّ التَّمْثِيلِ يَجِبْ إِنْكَارُهُ Il te dit que le tamthil, le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, ça, c'est interdit. Vous avez compris ? طيب. Regardez leur raisonnement. Leur raisonnement, il est bon ou il est mauvais ? Même le aql, il le refuse. Vous avez compris ? Le aql, il le refuse. ونحن نقول لا يلزم. الشيخ العثيمين دي ونحن لا نقول ونحن نقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. تدي mais nous disons que cette règle qui vient de donner là لازم الإثبات يلزم إثبات التمثيل لازم إثبات الصفات يلزم إثبات التمثيل. Nous leur dit que cette règle là elle n'est pas applicable ici et elle n'a pas lieu d'être. فإن قيل يلزم من قولكم إن الله استوى على العرش بذاته أن يكون الله ذات تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا نقول هذا لازم حق ولا مانع أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات وحينئذ يكون هذا لازم حقا. S'ils nous disent ou s'il est dit de leur part que par exemple lorsqu'on dit إن الله استوى على العرش بذاته الله سبحانه وتعالى s'est élevé au-dessus de son trône, lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et que cela, an yakuna lillahi dhatun, et que cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, donc, il existe en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala existe en réalité et que c'est lui-même qui fait cette chose-là. Naam, c'est lui-même qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il peut également descendre, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, ou tanzilu, comme il dit ici, ou alors, ou t'estawi ala l'arche, ou t'enzilu ila sama et dunya. Ou t'enzilu ila sama et dunya. Ah, na'am. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut descendre également ila sama et dunya, c'est-à-dire au dernier des cieux. Vous connaissez le hadith qui dit, na'am. Naqul hadha lazim haq. Tu dis que ce lazim là, cette implication, ce que ça implique, oui, c'est une vérité. Et il est où le problème? Vous avez compris? Lui dit ça, cher Al-Uthaymin. Et il n'y a pas. Il dit, et on peut admettre à Allah subhanahu wa ta'ala une dhat. Dhat, ça veut dire une personne. Hein? C'est ça, hein? Un être, oui, na'am. Un être, na'am. Dhat, c'est l'être, taïb. La mana'a nuthbita lillahi dhatan. On dit que c'est un être, mais qui ne ressemble pas aux autres êtres. Aux autres créatures. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Est-ce que ce lazim, il est haq ou pas? Ce lazim là, que je viens de vous donner là, il est haq ou pas? Il est haq. D'accord? Il n'y a pas d'ishkel. Taïb. Wal khulasa, anna lazim min kalamillahi wa rasulihi haqqun idha sahan yakuna laziman. Et ensuite, il te dit, le résumé de cela, c'est que l'on dise que la parole d'Allah ou la parole du prophète alayhi salatu wassalam est forcément une vérité. Donc, ce que va impliquer cette vérité ne peut être que vérité. Ou alors, mais de dire que telle chose est lazim, telle chose est obligatoire, par leur philosophie à eux, là, les autres, d'accord ? Telle chose implique telle chose, ou telle chose est obligatoire, alors que cela, en réalité, tu peux même le rad, tu peux même faire le rad avec quoi? Avec ton aql, avec ta raison. D'accord? La preuve, c'est quoi? Regardez, les Habash ou les Jahmiyyah, parce qu'en vérité, c'est une branche de la Jahmiyyah, les Habash. Mais on va prendre les Jahmiyyah, hein, leur papa, leur osoul. Taïb, les Jahmiyyah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah n'est pas dans le monde et n'est pas à l'extérieur du monde. La dakhil al-alim wa la kharija. Il est ni fawq ni taht. Ni à droite ni à gauche. Taïb, il est où Allah? Est-ce que leur lazim là, hein? Est-ce que leur lazim il est bon? Eux te disent, ils viennent avec le mécanisme là qu'on a dit. Si tu dis que Allah il a des sifat, forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une ressemblance. Donc nous, on va être catégorique sur la ressemblance. C'est-à-dire sur ce tashbih, sur ce temthil. Hein? On va être catégorique sur ça. On va anfi, d'accord? On va rejeter un maximum, justement, ces textes-là. Vous avez compris? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est ajib, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la qa'ida dans le Coran. La qa'ida dans le Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay » وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Alors là, regardez, il y a deux parties dans ce verset-là. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, ça c'est quoi? C'est une négation. Rien ne lui ressemble. Mais dans cette négation, est-ce que cette négation, elle est détaillée? Elle est générale. صح ولا لا؟ Cette négation, elle est générale. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Et ensuite, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Là, l'ithbat, ithbat, l'affirmation, est-ce qu'elle est détaillée? Oui, elle est détaillée. صح ولا لا؟ Elle est détaillée, il n'a pas choisi n'importe lequel, Allah subhanahu wa ta'ala. سَمْعُ وَالْبَصَرُ. سَمْعُ وَالْبَصَرُ, l'ouïe et le fait de voir, طيب, ou la vue, نعم, cela est ثابت sur toutes les créatures quasiment. C'est rare que tu vas trouver une créature qui n'a pas l'ouïe et qui ne voit pas. صح ولا لا؟ À part peut-être les arbres ou quelque chose dans ce genre. Mais sinon, la majorité des créatures, ils ont quoi? Au minimum, ils voient et ils entendent. C'est vrai ou c'est? Et justement, il n'a pas choisi Allah subhanahu wa ta'ala, Sami' ou Basir. Justement, il a choisi cela parce que c'était un nom qui incombe cette sifa-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, on a quoi? On a la négation globale et on a quoi? L'affirmation quoi? Détaillée. Vous êtes d'accord avec moi? Les Jahmiyyah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils affirment globalement Allah existe. Allah mawjoud. D'accord? Allah existe. Ça, heureusement qu'ils le disent, sinon après, ça y est. Ils disent Allah existe, mais à la fin, Allah il n'existe pas. Parce que, à la fin, si tu suis leur raisonnement, à la fin, Allah il n'existe pas. C'est ce qu'ont dit les salafs. Allah existe. Stop, puis s'arrête là. Allah c'est le Khaliq, stop, puis s'arrête là. Mais ensuite, ils y vont. Quand tu parles de la négation, eux là ils font une négation détaillée. Ils font la négation détaillée. C'est-à-dire Allah n'est pas fauq, il n'est pas taht, il est la dakhil alim, la kharij, la al-yamin, la al-shimal, la kada, la alimun bila ilm, sami'un bila sam'a. Voilà, là. Pourquoi? Parce que si tu fais, hein, comme on a dit, le mécanisme là, de l'oreille, tu te mets les sifat, franchement tu as fait du tamthil. Vous avez compris? Donc, ils n'ont même pas suivi la tariqa du Coran. Ils n'ont même pas suivi quoi? La tariqa de quoi? Du Coran. Nafou, walakin nafou bimada? Bit tafsil. Fassalou fil nafi. Ils ont fait un tafsil, ils ont détaillé le nafi. Mais regardez, le détail du nafi, il vient de quoi? Il vient du fait qu'ils se sont imaginé quelque chose dans quoi? Dans leur tête. Sah ou lala? Alors, lorsqu'ils se sont imaginé une chose dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont rejeté tous ces textes-là qui affirment les noms et les attributs d'Allah. Vous avez compris? De peur de rentrer dans quoi? De peur de rentrer dans le temthil ou le tajbih. Vous avez compris? Tandis que nous, non. Nous, on a compris directement, walillahi alhamd, al-sunnah, ils ont compris directement qu'Allah, il avait un être. Allah, c'est un être. Rien ne lui ressemble. Tayyib. Allah, il nous a dit, rien ne lui ressemble. Est-ce qu'on peut s'imaginer quelque chose dont rien ne le ressemble? On ne peut pas s'imaginer ça. Khalas. On s'arrêtait là. Eux, non. Ils ont continué. Vous avez compris? Eux, ils ont continué. Vous savez, le aql, quand il fait un tourien, le aql, quand il transgresse, hein, ou quand il dépasse ses limites, khalas, il tombe automatiquement dans quoi? Dans la bid'a. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Or que nous, non. On a eu rien ne le ressemble, et ensuite, c'est quoi? Tout de suite, on affirme les sifat qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est affirmer lui-même ou son prophète alayhi salatu wa sallam. Fahimtum hadha? Donc leur lazim là, toujours là, qui viennent avec leur lazim, ça implique cela, cela implique cela, cela implique cela. On dit non, je n'ai pas. Et ça aussi, c'est une tariqa nafi'a fil niqash. D'accord? C'est une tariqa, c'est une voie utile pour le tulab al-ilm de connaître cette question de lazim, que tel texte implique telle chose, tel texte implique telle chose. Vous avez compris? Ils viennent souvent, les gens, avec les shubuhat, ils te disent, oui, mais tel texte veut dire ça. Oui, mais tel texte veut dire ça. D'accord? Toi, tu peux dire, oui, cela implique cela. Cela implique cela. Walakin, il ne vient pas avec un seul dalil, et ça, je le répète tout le temps. Il vient avec un seul dalil, et ensuite, il te dit, tu dois suivre cela, parce que c'est le dalil. Vous avez compris? Il vient avec un seul dalil, et te dit, tu dois suivre. Par exemple, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dhukum 'unuqa ba'd. Ne revenez pas après moi, ne devenez pas des kuffars en vous entretuant. D'accord ? Ne revenez pas après moi, c'est-à-dire après ma mort, ne devenez pas des kuffars. Lorsque tu lis ce hadith-là, tu dis, ah, ça veut dire que celui qui tue, forcément, c'est un kafir. Mais lorsque tu le joins avec un autre texte, où Allah dit, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Allah dit, s'il y a deux groupes de croyants, d'accord, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu, qui s'entretuent, deux groupes de croyants qui s'entretuent, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Réconciliez-les. Allah les a appelés mu'minin, et pourtant, ils s'entretuaient. Donc, tuer n'est pas, hein, c'est un grand péché, certes, mais n'est pas, hein, n'est pas du kufr. C'est du kufr asghar, c'est pas du kufr akbar. Vous avez compris ça? Pourquoi? Parce que sinon, Allah ne les aurait pas appelés mu'minin. Fahimtum ya ikhwan? Donc, on est obligé de, à chaque fois de joindre les textes avant de donner un jugement. D'accord? C'est pas, hein, il vient de dire, il y a un hadith qui dit ça, tu dois le suivre. Tu dis, ah, attends. Le hadith, il parle d'une mas'ala. S'il parle d'une mas'ala, le hadith, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la mas'ala, on regarde ce qu'ont dit les savants dessus. Et on regarde tous les textes. Tu ne viens pas, toi, avec un seul texte, et ensuite tu me dis, non, c'est comme ça, et khalas, c'est pas autrement. Vous avez compris? Et même dans les textes, il faut savoir aussi une chose, c'est que dans les textes, il y a le muhkam, et il y a le mutashabih. Il y a le nasikh, et il y a le mansour. Il y a l'abrogé, et il y a celui qui abroge. Taïeb, il y a le texte qui abroge, il y a le texte qui est, hein, qui est abrogé. Il y a le muhkam, c'est-à-dire le texte clair, d'accord, et le texte mutashabih, celui qui porte à ressemblance, hein, celui qui porte, il y a une équivoque, le texte qui est équivoque, que quand tu le regardes, la ma'na n'est pas tout de suite, hein, on sort pas tout de suite une ma'na claire dessus, tandis que le texte muhkam, on sort directement la ma'na, elle est claire, quoi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Ça, là, là. Tu vas pas me dire, tu vas me ramener des hadiths ou des athars, hein, où il y a une toute petite ambiguïté entre guillemets dedans, que bien sûr l'ambiguïté elle est pas dedans, mais on va dire il y a une chose qui peut te faire comprendre que tu as le droit de faire telle chose. Vous avez compris? Non. Là, tu prends le mutashabih et tu le fais revenir à quoi? Tu le fais revenir au muhkam. Fahimtum hada, ikhwan? Vous avez bien compris? Taïb. Te dis ensuite, kalamullah, kalam rasul sallallahu alayhi wa sallam, obligatoirement, yatarattab alayhi haq. Obligatoirement, il y a un haq derrière. Obligatoirement, il y a une vérité derrière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, inna allaha warrahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Tayyib, la seule vérité qu'on peut comprendre de cela, c'est que Allah, il est Rahman. Sah? Istawa, on va chercher dans la langue des Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire irtafa'a. Irtafa'a, ça veut dire il s'est élevé. Tayyib, istawa ala, bien sûr, avec le terme ala. Istawa ala. Istawa ala, ça veut dire il s'est élevé au-dessus. De quoi? De son trône. Taïb, Ar-Rahman, on sait qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Istawa ala, yani bimana ala, sa'uda, il s'est élevé. Au-dessus de quoi? Au-dessus de son trône. Taïb, au-dessus de son trône, son arche. Le arche, on regarde Kalam al-Mufassirin, le arche, ils disent que c'est une créature. Qu'Allah a créé un arche qui est immense et il est défini dans des hadiths. Khalas. Ça, on a compris et on y croit. Il est monté, Allah subhanahu wa ta'ala est monté ou s'est élevé au-dessus de son trône. Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Tayyib. Élevé. C'est une sifat d'Allah. Stawa ala. Sah? Tayyib. Haq amla. C'est une vérité ou pas? Ah, si tu dis que ce n'est pas une vérité, kafart. Parce que celui qui dit que l'istiwa n'y a pas, c'est comme s'il disait que yen fait le Coran. D'accord? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit stawa ala. Tayyib. Quel est le lazim haq? Quel est le lazim haq? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. Et cette élévation lui est propre. Pourquoi? Pourquoi lui est propre? Parce qu'on ne sait pas nous comment Allah. Est-ce qu'on l'a vu Allah? Donc est-ce qu'on peut définir la kayfiyya? le comment de cette élévation. On peut la définir, on peut dire ouais, comme ça ou comme ça. Non. Est-ce qu'elle a eu, elle a eu lieu, ou est-ce qu'il y a une kayfiya? Oui, il y en a une. Mais est-ce qu'on sait comment elle est réellement? Non. Pourquoi? On n'a jamais vu Allah. Voilà. Ça peut être, ça ne peut être que ce lazm-là. Et ce lazm-là, il est haq. Et celui-là, on l'accepte. Ça n'implique que cela. Et cette implication est correcte. Il n'y a pas de mal. Maintenant, s'il te dit, oui, mais cela implique, Wallah, les habash, ils le disent, les frères. Cela implique qu'Allah, il a des membres. Et qu'il a un dos. Si c'est assis, ou si c'est levé, ou si... A'udhu billah. A'udhu billah. C'est quoi ces paroles-là? Vous avez compris? Nous, on a dit ce que vous avez dit là. Ça, personne l'a dit. Lors votre lazim là, nous, Allah, il nous a dit rien ne ressemble. Donc, pourquoi vous nous dites directement ça ou ça ou ça? Vous avez compris? Donc, leur lazim à eux, hein, leur lazim à eux, il est toujours batil. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent à quoi? À leur aql. D'accord? Nous, on revient à notre aql. Nous, on revient à notre aql, mais notre aql ici, il est propre. Hein? C'est quelque chose, c'est une élévation qui lui est propre. Khalas, on s'arrête là. Eux disent, non, mais ça veut dire qu'ils se lèvent, ça veut dire que... A'udhu billah, ils ont dit des paroles, j'ai pas envie de les dire, hein, a'udhu billah, des choses. Mais en vérité, ces paroles qu'ils disent, c'est justement pour que toi, tu as une choubha, tu as une ambiguïté, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes les textes de la même manière que eux ils ont rejeté. Aimtoum yaqwan? Ah, je les connais bien, donc, Allah musta'an. Ensuite, il dit, qala al-muallif rahimahullah ta'ala... Il faut savoir une chose, c'est que nous, à l'époque, il y a 15 ans, hein, quand on a commencé, on va dire un petit peu, suivre le tariq ou un peu plus, Wallah, les frères, Ajib, ils faisaient une da'wah, ces gens-là, sahbash, là, et voilà, ils faisaient une da'wah, mais Ajib, ils attrapaient les shabab, la première des choses qu'ils lui parlaient, c'était ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en lui donnant une mauvaise aqidah, ils ne parlent pas du fiqh, etc., ou là, hein, ils ne parlent pas de ça. Directement, il attaque avec l'aqida. Et les premiers qui tombaient dans ça, khalas. Il y a même des gens qui sont connus, hein, des gens, des chanteurs avec eux, etc., etc. Ils les ont attrapés, ils leur ont mis les choubouhettes, le sem, là, le poison, et ça a plus, c'est plus jamais ressorti. Depuis, c'est plus jamais ressorti. Et kaffar, les plus grands ulama, qui voient Yves Bat Sifat. Quand tu leur parles de Cheikh l'Islam, c'est une akfar al-nas. Cheikh l'Islam, c'est un des plus grands kaffar pour eux. Hein? Je parle même pas des autres, hein, parce que si j'ai l'islam, ils n'ont qu'à faire, ça y est, les autres, ou les contemporains, ça y est, c'est réglé. Hein? Vous avez compris? Taïb. Wa amma al-lazim, c'est pour ça qu'il faut remercier Allah. Wa amma al-lazim min qawli ahadi siwa qawli Allahi wa rasoulihi falahu thalath halat. Et c'est là qu'on va apprendre comment on fait le lazim du kalam des autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas. La parole d'Allah qui n'est pas la parole d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-oula an yadhkura lil qa'il wa yaltazim bihi mithl an yaqul man yanfi as-sifat al-fi'liyya liman yuthbituha yalzam min ithbat as-sifat al-fi'liyya lillahi ta'ala azza wa jal lillahi azza wa jal an yakuna min af'alihi ma huwa hadith fayaqul al-muthbit na'am wa ana altazimu bidhalika fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث أحادي فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه ما شاء الله طيب لموسى je veux bien ce répète quant à ce qui est signifié implicitement dans le dire de quelqu'un là on parle plus de qui d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wasalam. Vous avez compris? Là, c'est par exemple ta parole à toi. D'accord? Dans n'importe quoi, dans n'importe quel sujet. Mais, sauf que là, bien sûr, on est dans quoi? On est dans les asma sifat. Là, on peut être dans un dialogue entre un muthbit. Muthbit, c'est qui? Celui qui affirme. Muthbit, c'est ism fa'il. Muthbit, il affirme. D'accord? Et on a quelqu'un, yenfi. Al-nafi, c'est celui qui rejette. Vous avez compris ça, inshallah? Ça peut être la discussion entre deux musulmans, un Habaj et un Sunni, par exemple. Les Habaj, là, il ne faut pas qu'ils nous écoutent. Hein. Puis ils sont violents et tout. Hein. Frère. Suivez bien le premier cas. Ce qui est impliqué dans la parole doit être mentionné à l'interlocuteur et doit l'observer rigoureusement. Regardez, ça c'est très important ce qu'il vient de dire. Il est en train de parler avec toi. Il te dit, ce que tu dis implique cela. Vous avez compris là? Et toi, il faut bien écouter ce qu'il dit. Il te dit, cela doit être observé rigoureusement. C'est-à-dire, toi tu dois faire attention. Oui, je le dis et je l'affirme. Et souvent, les gens se trompent. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réfléchi à sa parole. Ça veut dire que lui, il n'a pas réfléchi à sa parole, à la parole de l'interlocuteur, c'est-à-dire celui qui vient, qui te lance la chouba. Il vient te dire, ça implique cela. Toi, là, tu dois faire attention. Si tu as du ilm, tu vas pouvoir quoi ? Tu vas pouvoir le naqash. Oui, je dis ça, et après, ça fait quoi ? Vous avez compris ? Vous avez compris, ça, Inch'Allah ? Mais il faut faire attention. Là, il ne faut pas être... Il faut être sûr de ce que tu dis, parce que lui, il va t'attraper par ça. Tu as dit, oui, mais tout à l'heure, tu as dit ça. Vous avez compris? Et si tu ne dis pas ça, donc tu es en contradiction. Donc, salam alaikum, ton minhaj, il est, hein, ta voix, elle est, hop, et il se sauve. Vous avez compris? Regardez bien ce qu'il dit là. C'est le cas, par exemple, du négateur des attributs relatifs... Le négateur, chauffe. Ah, le navi, du négateur des attributs relatifs aux actes qu'il dit à celui... Sifat al-fi'liya. Sifat, retenez-le. Sifat al-fi'liya, c'est quoi? C'est les attributs, mais relatifs au quoi? Relatifs aux actes d'Allah. D'accord? Les sifat fi'liya, c'est tout ce qui est les actes d'Allah. Khalq, c'est quoi? C'est un acte. Tayyib. Rahma, c'est un acte. Yarham, yu'iz, yudhil, hein? Il élève, ou il rabaisse, etc. Tout ça, c'est les actes d'Allah. Tayyib. Yumit, yuhyi, wa yumit, etc. Tayyib. Nouvellement apparu, hadith. Nouvellement apparu, hadith. C'est ça qu'il faut retenir. Hadith. D'accord ? Quelque chose qui est nouveau. D'accord ? Et que avant il n'y avait pas. Vous avez compris ? Quelque chose de nouveau. Et que il n'y avait pas auparavant. D'accord ? Hein ? Hein ? Vous ne comprenez pas ? Non. Non. Ils veulent te dire, non, l'attribut Allah est là. Justement, et ben ça c'est une règle de philosophie qui est sortie, mais celle-là, laissez-la. On va pas la sortir maintenant, parce que leur choubha, elle vient de là. On a essayé de l'expliquer, et j'ai vu que c'était pas très bien, assimilé. Eux, il y en a qui le disent ça, justement. Mais ils veulent dire autre chose, et là, faut rentrer dans un autre sujet, et là c'est tahawiyya. Et là, j'ai pas envie de rentrer dans tahawiyya tout de suite, faut d'abord comprendre ça. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Ils veulent dire que c'est un acte qui est nouveau. Vous avez compris? Un acte, cela implique le renouvellement des choses. Et alors, Allah fait vivre et Allah fait mourir. Et tous les jours, il fait vivre et tous les jours, il fait mourir. Vous avez compris? Suivez juste le niqash et vous allez comprendre. D'accord? Restez pour l'instant des zahiri. Hein? Non, parce que c'est le terme arabe. En fait, le terme arabe, hadith, c'est un événement. Un incident, un accident, vous avez compris? C'est le terme arabe. C'est toujours ça le problème avec la traduction. Oui, c'est mal traduit, oui. Bah, c'est un événement, on va dire. C'est plus un événement et non pas un... Oui, oui. C'est en fait un événement, c'est pas accident. On dirait que ça s'est passé par hasard. Mais vous, non, ça c'est faux, cette traduction-là. C'est un incident, ou plutôt, pas un incident, un événement. Moi, je vois plus ça par un événement. Taïb. La personne qui affirme les attributs répond. Bien sûr. Ah, le sunni dit quoi? Bien sûr. Et alors, ça fait quoi? C'est renouvelé. Allah, il l'a fait, il l'a fait. Khalas. Taïb. Bien sûr, j'observe cela car Allah, l'exalté, a toujours été et sera toujours celui qui fait censé ce qu'il veut. Taïb, fa'alun lima yurid. Allah, il le dit dans le Coran. C'est pas un nom d'Allah, fa'al. Attention. Ça, c'est... Donc, tu peux dire qu'Allah il est fa'al, mais tu dis pas que c'est un nom. Ça, on l'a vu pourquoi. C'est dans les premières règles. Vous vous souvenez? Fa'al, on a dit pourquoi? Parce que comment dirais-je, il peut sous-entendre une imperfection. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, fa'al li mayurid, ce n'est pas un nom d'Allah. Parce qu'on a dit les noms d'Allah, la règle, c'est quoi? Ils sont husna, ils sont parfaits. Et puis là, il y a une petite... ça peut sous-entendre une imperfection. Vous avez compris? Donc, Allah, lorsqu'il dit fa'al, en plus, ce n'est pas à la wazn, fa'il. Allah, il aurait pu dire fa'ilun li mayurid. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tayyib. Les awzan dans l'arabia, ça, Inch'Allah, on va les faire. Les awzan dans l'arabia, la composition des mots, elle a son importance. Pourquoi? Parce que Allah, lorsqu'il dit fa'al, c'est à la wazn, fa'al en plus. C'est à la wazn, fa'al. Tayyib. Fa'al, bima'na yukfir min hadha al-fi'al. Exemple. Allah yarzuq. Allah donne le risque. Le wazn, c'est quoi? Qui correspond au terme fa'il, c'est-à-dire acteur. Fa'il, dhalika shay. C'est quoi? Risq, ra, ziq. Sahla la? Razaqa, yarzuqu, ra, ziq. Ou risqan, mais ra, ziq ici, si tu veux tirer le nom du verbe. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Le nom du verbe. Mais lorsque tu veux dire qu'il fait beaucoup cette chose-là, tu rajoutes quoi? Tu rajoutes un alif au milieu et tu rajoutes une shidda. Razzaq. Fa'al. C'est-à-dire qu'il fait énormément cette chose-là. Vous avez compris, Inch'Allah? Et Allah yarzuq ou la ma yarzuq? Allah yarzuq kathir. Sa'alala. Razzaq. Vous avez compris? Vous avez compris, Inch'Allah? Et bien, fa'al, c'est la même chose. Et ça, c'est encore. Regardez, même dans la langue arabe, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que souvent les Asha'ira, et même ces gens-là, là, les Asha'ira, souvent c'est des gens qui sont forts dans la loura. C'est vrai, souvent ils sont forts dans la langue arabe. Comment alors, lorsqu'ils voient ce terme-là, fa'al, qui veut forcément dire que Allah subhanahu wa ta'ala yukthir, mimma yaf'alu ma yurid, ça veut dire yaf'alu ma yurid wa yaf'alu ma yurid. C'est ça que ça veut dire fa'al, il fait ce qu'il veut, il refait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça ne s'arrête pas. Vous avez compris? Comment il connaît le sens en arabe, mais il ne veut pas l'affirmer sur qui? Sur Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pourquoi? Parce qu'il a ces choubouhettes là dans les asma sifat, qui est du fait que si tu affirmes, forcément tu fais ressembler. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça, c'est min abtal al-batil. Donc, on continue. Il n'y a pas d'épuisement pour ses paroles et ses actes, et ce, d'après sa parole, dit... Khalas, il te dit, c'est quoi le dalil? Voilà, chier, regardez. Il ramène la règle et il te ramène le dalil. Vous avez compris? Ça, c'est des dalils pour dire quoi? Pour dire que oui, si Allah renouvelle l'acte, premièrement, Allah dit « fa'anu lima yurid », s'il y avait juste ce verset-là dans le Coran, fa'alu lima yurid, ça nous suffirait. Vous avez compris? Ça nous suffit. Vous avez compris? Taïf. Mais là, il te ramène quoi? Il te ramène des versets qui montrent cela. Dans la ma'na, ça veut dire que lorsque tu lis la ma'na de ce verset, n'importe qui, même quelqu'un, tu lui lis la traduction, même à un français, tu lui lis la traduction de ce verset-là, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire oui, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Ça, les versets qui vont être lus là, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Et ça veut dire que ses actes se renouvellent. Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait ce qu'il veut. Fahim tu mi'a, ikhwan. Taïb, vas-y, lis. Dit, si la mer était de l'encre pour la parole de mon Seigneur, la mer se serait tarie avant que ne se tarisse la parole de mon Seigneur, même si l'on apporte son équivalent en encre. C'est clair. Fahimtoum, vous avez bien compris ça? Donc, vas-y, fini. L'apparition d'un de ces actes n'implique absolument aucune forme d'imperfection en ce qui le concerne. En ce qui concerne qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, est-ce que le lazim de la parole, de ce qu'il nous a dit là, notre interlocuteur, est-ce qu'il est correct? Lui, il nous dit un lazim. Il nous dit, cela implique cela. Nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit, oui, ça implique cela. Donc, la première hala, c'est ça. La deuxième hala, c'est non. La troisième hala, on va faire le tafsir. D'accord, Inch'Allah. Taïb. Donc la première halal, vous l'avez bien compris? Taïb. Alors ce qu'ils disent, ensuite Cheikh il dit Na'am. اللازم من قول غير الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاثة حالات الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به جغلية ببرسكيلدي يجي وهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله فإذا ذكر اللازم للقائل قال نعم donc à partir de ce moment là ça devient la parole de qui si toi tu dis أنا التزم بهذا moi je oui je le dis ça donc ça devient forcément quoi ta parole à toi aussi d'accord donc tu es d'accord avec lui. Tu es d'accord avec lui. Donc la première des positions dans le lazim, c'est quoi? C'est que tu es d'accord avec cette personne. Tu dis, نعم هذا يلزم من قولي وأنا ملتزم به. صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياه. فإنه قال نعم. طيب. ومثاله, ensuite il dit, ومثاله إذا قال من ينفي الصفات, le négateur, لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. طيب, ce qu'il vient de dire, ce qui est حادث, ce qui apparaît comme cela, hein, accidentellement ou alors un événement, hein, نعم. فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله عز وجل فينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وعللوا ذلك بأن قالوا هذه الحوادث وهذه الحوادث حوادث والحادث لا يكون إلا بحادث. طيب, ils veulent te dire, regardez le char qui, Allah musta'an. Voilà, en fait la illa est là. Te disent que le hadith, ce qui a été fait par un événement, l'événement a forcément été créé. Vous avez compris? L'événement, il a été créé. Vous suivez? Taïb. Il te dit, Al-Hadith la yaqumu illa bi-hadith. Ça veut dire que forcément, si cela a été fait, accidentellement ou par un événement, forcément, cette chose-là a été quoi? A été créée elle-même. Vous avez compris? Forcément, cette chose-là, elle a été créée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, par là, en gros, qu'Allah a été créé. Eux, par le fait que, si tu dis qu'il y a un acte qui a été fait, s'il y a un acte qui a été fait par Allah, subhanahu wa ta'ala, forcément, un acteur, mais l'acteur, il a été créé. Vous avez compris ça? Donc, c'est ça qui a poussé le négateur à dire quoi? À dire que moi, je n'affirme pas les sifat d'Allah. Vous avez compris maintenant? Hein? Taïb, nous on dit Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, eux en vérité, ils rentrent dans le hadith de qui? Le hadith du prophète, lorsqu'il dit Allah a créé telle chose, Allah a créé telle chose, Allah a créé telle chose, Shaitan il vient à vous, il dit Allah a créé telle chose, Allah a créé telle chose. Et ensuite il arrive et il te dit, mais qui a créé Allah? T'as la silsila là, t'as le hein? Cette silsila, cette chaîne. Hein, qui vient dans ton crâne. Oui, il y a eu ça. Mais avant Allah, il y a eu qui? Astaghfirullah. C'est bon. Et qu'est-ce que tu dois dire à ce moment-là? Tu dois dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ensuite, tu récites le verset Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ila akhir. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Qul huwallahu ahad. Allah, il est ahad, il est unique. Donc, khalas. Hein? C'est, comme on a dit, c'est lazim al-wujud, c'est-à-dire enfin, le wajib al-wujud. Hein? L'existence qui est nécessaire à Na'amuzut. ونحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. Tu dis nous affirmons les sifat fi'liya, d'accord, mais nous ne disons pas comme eux ils disent que lorsqu'il y a un événement forcément il est fait par quelqu'un qui a été créé. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, ce lazim-là, on ne le prend pas. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il est possible sur Allah qu'il est créé? Non, a'udhu billah. Puisque le prophète, alayhi sallam, lui-même nous l'a dit. Il dit, Shaitan va venir, il va vous dire, hein, que telle chose a été créée, c'est Allah qui a créé telle chose. Et ensuite, il va vous dire, mais qui a créé Allah? Ça, le prophète, sallallahu alayhi sallam, alhamdoulilah, il l'avait déjà enseigné. Hein, Allahu Akbar. Cela prouve aussi la perfection de cette religion. Comme quoi, tu peux pas, tu n'as pas de makhraj, tu n'as pas de sortie. Tu es dedans, khalas. Mashallah, sallallahu alayhi wa sallam. لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحديث. Mais en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les frères. Moi, je ne vais pas vous parler de ça tout de suite, parce que cette mas'ala, cette question-là, c'est une question qui se voit dans Tahawiyya. Et cette question-là, et des gens, ils peuvent sortir de l'islam à cause de cette mas'ala-là. S'il n'a pas une foi qui est forte, hein, il peut sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Hein? Donc, s'il a mal compris en tout cas, il a un gros SOS. Et c'est ce que les Asha'ira, les grosses têtes, ils sont tombés dedans. Et à la fin, ils ont eu un chèque sur l'existence d'Allah. À cause de quoi? À cause de la philosophie. Ils ont un chèque sur l'existence d'Allah. Et lorsqu'ils ont eu ce doute sur l'existence d'Allah, hein, certains ont même arrêté la salat. Il y en a, il a dit, j'ai arrêté la salat pendant 40 jours, j'étais en chèque. C'est un alim, c'est un savant, à cause de cette mas'ala. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle mas'ala tasalsul al-hawadith. Et celle-là, inshallah ta'ala, il faut préparer un cours tout entier sur ça, inshallah. Mais ça, on ne va pas vous parler maintenant. Moi, je vous dis globalement qu'est-ce que veut dire ici shir. Vous avez compris ça, inshallah ? Après, on ira plus amplement dans quoi ? Plus amplement dans les détails, inshallah ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah ? Mais pour l'instant, ça, c'est juste une muqaddima. C'est juste une muqaddima. Mais n'ayez pas peur, hein, c'est pas non plus... Ça, c'est que quelqu'un qui est mouesouès et qui suit hein, les paroles comme ça de la philosophie et qui est imprégné par cela, hein, qui tombe dans ce genre de choses. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? D'ailleurs, regardez, les plus grands intellectuels, hein, les gens, les plus grands intellectuels, tombent dans l'erreur généralement et dans l'égarement à cause des livres de philosophie. Vous avez compris, Inch'Allah, c'est souvent à cause de ça. Parce que la philosophie, à part te rendre fou, ça ne te rajoute rien. C'est pas vrai, ils disent que philosophie, ça vient de quoi? Ça vient de philosophie, yani hubbul hikma, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Mais c'est faux, c'est l'amour de la folie, ce truc-là. C'est pas, wallah, c'est pas la sagesse. La preuve, wallah, et tu les vois, même quand tu les vois, on dirait que c'est des fous. Subhanallah, quand tu le vois, même ça, même son mazhar, tu le vois, il a les cheveux en l'air. C'est des fous. C'est pas des gens normaux, les philosophes. Taïb. Alhamdulillah. Et de qualifier le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, de philosophe, c'est du kufr, ça. C'est grave de dire, surtout par le mafhoum, par la compréhension de la vraie philosophie. C'est grave de dire ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Amba, le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, qui était hakim, qui était un sage, et qui enseignait la sagesse, oui. Allah l'a dit, وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةِ. Allah l'a dit dans le Coran, d'accord ? Mais pas hein, le fait de le qualifier comme on qualifie certains kuffars qu'Allah nous en préserve. Taïb, est-ce que vous avez compris maintenant cette chose-là ? Taïb, donc le premier lazim, il est quoi ? Il est correct. Et tu le suis. Tu dis, oui, il y a des af'al, et ces af'al se renouvellent. Et cela ne fait pas de l'acteur qu'il a été forcément créé. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Il n'y a pas cette chaîne, cette succession qui va faire que forcément un acte vient d'un acteur et cet acteur est forcément vient d'un autre acteur. C'est-à-dire, vous avez compris ça, Inch'Allah ? Vient d'un autre acteur ou alors hein, ou a été créé. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ça, on va s'arrêter là sur cette chose-là, en tout cas. Taïb, ensuite, la deuxième hala. Alors, attendez. Et ensuite, vous avez compris pourquoi Cheikh ici rapporte les hadiths, ou plutôt les ayats sur ça. Inna Allah la yaf'alu wa la yaf'alu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les sifat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, ces sifat, il a toujours été qualifié de ces sifat-là. Toujours. Allah a toujours été Rahman. Rahim, Quddus, Salam, etc. Et ces sifat-là peuvent avoir lieu, surtout si c'est une sifat fi'liya, quand il veut. Vous avez compris, Inch'Allah ? Ça, on en est sûr. Mafoum, Ikhwan ? Ça, on en est sûr. Et le lazim qui vient et qui nous a dit, là, ici, la parole, na'am, cela, là, on dit oui, on te suit sur ça. ونحن نقول وهذا ليس لازما أبدا. طيب النفات يقول لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقدم إلا بحادث. On répète encore une fois, il dit les nufat, les négateurs, ils disent لا يمكن أن تتجدد أفعاله. Il te dit que ces أفعال, c'est-à-dire ces actes, Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent pas se renouveler. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il se renouvelle, forcément le hadith, l'événement n'a eu lieu que d'une chose qui est nouvelle. Voilà ça qu'il veut le dire. Que d'une chose qui est nouvelle. Et Allah n'est pas nouveau. C'est-à-dire créé, quoi, en fait. Il veut venir par cette chose-là. Allah musta'an. Al-Muhim. On passe à la deuxième règle. Hein? Oui, surtout, ça c'est sûr. Tayyib, il fait la deuxième règle. Al-Halu Thaniya. Regardez, il dit Al-Halu Thaniya. Il ne dit pas Al-Halatu Athaniya. Là, on parle d'arabe. Pourquoi? Parce que le hal, en réalité, le hal, tu dis hadihi halu fulan. Et tu ne dis pas hadha halu fulan. Vous avez compris? En fait, dans sa forme, dans sa composition, le mot il est mudhakkar. D'accord? Et beaucoup font l'erreur. Beaucoup font l'erreur et te disent halatu fulan. Halatu fulan. Mais le fait que beaucoup de gens le disent, tu vois, c'est resté maintenant. Halatu fulan, halatu fulan. Vous avez compris ça, inshallah? Mais à la base, dans la langue arabe, tu dis هذه حال فلان أو الحالة الحال الثانية الحال الثالثة etc. Vous avez compris ça, inshallah. Donc dans sa composition, dans sa terminologie, il est quoi? Il est mudhakkar. Il est quoi? Il est masculin. Mais dans sa qualification, quand tu vas le qualifier, il est quoi? Il est mu'annath. Tu vas dire هذه الحال. C'est pour ça qu'il dit ici شيخ الحال الثانية. Vous avez compris ça? Il le dit dans le sharh. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافل الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما التزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافل الصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر الله أكبر. Vous allez voir, là le niqash commence à être un peu plus, il va dans le fond là, Cheikh, rahmatullahi alayh. Et avec ça, normalement, khalas. Avec ce deuxième niqash, dans toutes les sifat, tu vas être tranquille. Avec le nef, le négateur. Mafoum, lis-le. Le deuxième cas. Que l'on lui rappelle et qu'il défend toute implication entre lui et sa parole. C'est ce que dira, par exemple, le négateur. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Vous avez compris? Là, on est en désaccord. La première, on est en accord. D'accord? Et vous savez, il faut savoir une chose aussi. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Ça, c'est ce qu'on appelle le procédé d'élimination. D'accord? Tu viens, tu dis, il y a trois halettes dans telle chose. Ça, c'est dans la rhétorique. D'accord? C'est dans la rhétorique, c'est un petit peu le mantek, ce qu'on appelle le mantek. Ça, vous ne l'avez pas fait, qu'Allah vous en préserve. Hein? Mais, c'est bien de connaître ça, pourquoi? Pour, justement, émettre des règles dans des choses, et surtout les choses religieuses. Ça veut dire que nous, le ulama, rahmatullahi alayhim, quand ils ont fait l'ajrumiyya ou quand ils ont fait ces livres-là, d'accord, c'est des règles en réalité. Mais ces règles-là, elles sont venues à partir de quoi? À partir d'une analyse complète de toute la langue, et à la fin, ils t'ont donné des règles. Et ça, c'est un boulot. Et ça, c'est un travail. Et ça, ça ne pouvait venir que de gens qui étaient en réalité, c'était des êtres ajib, mieux qu'un ordinateur. C'était adib. Ils prenaient toutes les règles et toutes les paroles et ensuite, à la fin, ils t'en faisaient une règle. Vous avez compris? Et ça, ça n'a pas existé que dans la Ummah islamiyya. Ça, faut le savoir. Dans les autres Ummah. Tous les jours, regardez, ils reviennent avec des règles. Ça, regardez. Tous les jours, les kuffars, quand ils ont une théorie, bon, il y en a une autre qui annule l'autre théorie derrière, après il y a une autre théorie qui annule l'autre théorie qui est derrière, hein, et ils n'ont jamais réussi à faire quoi? À faire des règles de base et qui ne bougent plus. D'accord? Les musulmans, non. Les musulmans, les premiers, et surtout les salafs salah, ils t'ont donné des règles. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, a donné des règles. Bouniya l'islam ala khams. Ça? Mal iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Vous avez compris? Tayyib. L'udhu, le hajj, la salat, tout ça, ils sont venus avec des règles, avec des qawa'id fiqhiyya, et ça ne bouge pas. C'est comme une maison qui ne bouge pas, subhanallah al-azim. Et même dans la langue arabe, et même dans la balagha, et même dans, tout, dans toutes les branches de la religion, tu verras qu'à chaque fois, il y a des règles bien établies, et ça ne bouge pas, comme ces règles-là. D'accord? Mais il faut savoir que le procédé d'élimination, c'est-à-dire tu viens, tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, écoute, toi, tu peux être que dans trois cas. Soit tu es d'accord avec moi, soit tu n'es pas d'accord avec moi. Ou soit, il y a un détail. Il y a, j'ai du haq et tu as du haq. Et on discute. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et toi, quand tu parles avec quelqu'un, à chaque fois que tu essayes, tu dis deux choses d'une. Souvent, tu dis deux choses d'une. Ça, hein? Il y a deux situations, ou il y a trois situations. Voilà. Et bien, Shir ici, il te dit, quand tu fais, quand tu parles avec un négateur, un nafi, tu es obligatoirement, tu vas tomber dans ces halettes-là. Soit il est d'accord avec toi, il te dit quelque chose, toi, tu es d'accord avec lui. La deuxième, c'est quoi? C'est il te dit quelque chose et tu n'es pas d'accord avec lui. Et regardez comment il va le faire ici, Shir. C'est ce que dira, par exemple, le négateur d'attributs à celui qui les affirme. Le fait que tu attestes des attributs implique une ressemblance entre Allah et ses créatures. Ah là, il vient, il dit ça. Il ressemble aux créatures. Allah, ça veut dire que tu as fait ressembler Allah aux créatures. Voilà. Naam. Le Mouthbit, le Sunni, il dit ça. Il dit non, ça n'implique pas que ça. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et là, attention, il faut que tu sois thabit, toi. Hein? Il faut que tu sois ferme sur ces positions. Allez, ouais. Ils lui sont annexés. Ils lui sont attribués à lui, à Allah, subhanahu wa ta'ala. Continue. Ils ne sont pas mentionnés dans l'absolu jusqu'à rendre possible ce que tu sous-entends. De ce fait, ils sont spécifiques et propres à Allah. Regardez ce qu'il a dit. C'est daqiq, hein. C'est subtil ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas des attributs comme ça qu'il a dit. Ça veut dire que c'est des attributs qui sont à lui et qui sont aux autres aussi. Non, elles sont que à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est des attributs qui s'est attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Mukhtassa bihi, c'est khas, c'est particulier à lui. Vous avez compris? Tayyib. Et la'iqa, ça veut dire propre à lui. Hein, tayyib. Relis cette phrase-là, là. Parce que pourquoi ils ne sont pas dans l'absolu, c'est-à-dire s'ils étaient dans l'absolu, ils étaient mentionnés comme ça dans l'absolu, tu aurais pu dire ça, tu aurais pu dire oui, telle chose. Non, là ils sont Allah, lui et lui seul. T'as compris? Quand tu dis Rahman, Rahim, là tu parles de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allah, istawa ala arshihi, là on parle de qui? D'Allah. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Vous avez compris? On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Fahimtu mahada? Tayyib. Allahu Akbar. Regarde. Khalas, tu le stops avec ça. Tu lui dis, ya akhi, ta'al. Allah, c'est un être. S'il te dit non, tu dis, salam alaikum. Allez, hop. Tu dis même pas salam alaikum. Allah alam. Allah alam, c'est encore un musulman. Hein? Taïe. Allah, c'est un être. Oui, c'est un être. Taïe. Ensuite, tu lui dis, est-ce que toi, qui es tout le temps là à dire qu'il ne ressemble pas aux créatures, d'accord? Toi, tu le dis, puisque c'est un négateur, lui, déjà. D'accord? Tu dis, Allah, c'est un être? Il dit oui. Il dit, son être, est-ce que son être à Allah, est-ce qu'il ressemble aux créatures? Il va te dire non. Sahih, il va dire khalas. Ben, c'est si fait, c'est la même chose. La règle, et là je la répète encore une fois, al-kalamu fi dhati, kal-kalamu fi, Al-kalam fi sifat, kal-kalam fi dhat. Al-kalam fi sifat, retenez-la bien cette règle-là. Al-kalam fi sifati, kal-kalam fi dhat. De parler de l'être d'Allah, de parler des attributs d'Allah, al-kalam fi sifati, kal-kalam fi dhat. Al-kalam fi dhat, na'am. Vous avez compris ça, inshallah, de parler d'Allah. Si tu parles des attributs, ça veut dire que tu parles d'Allah. Parce qu'Allah, il a des attributs. Vous avez compris ça, inshallah. Et ça, c'est une règle fondamentale. Et Shir, il la répète, Ibn Taymiyyah, dans At-Tadmuriyya, il dit, khalas, à partir du moment où tu dis, Allah, c'est un être. Khalas, il a des attributs. Toi, tu dis que l'être ne ressemble pas aux créatures. Donc, arrête-toi là. C'est si fait, c'est la même chose. Lui, il dit non. Regardez après ce qu'il dit, là. Hadith... يلزم منه كذا وكذا comme le premier lazem qui nous a dit. Vous avez compris ça, inshallah. طيب. Et ensuite, vas-y, fini. Cela dit, quelle différence y a-t-il entre l'être d'Allah et ses attributs? Le jugement de la signification implicite est dans les deux cas précédents évident. Voilà. Ouais. C'est clair. C'est clair. Hein? Il y a dhat et il y a sifat. Donc, et c'est, regardez, et ça en vérité, ça c'est la règle malikite, tu peux le dire, de l'imam Malik, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala? Quand il y a le mubtadi' là qui est venu, il lui a dit quoi? Il lui a dit, kayfa stawa. Allah, kayfa stawa. Comment il s'est élevé au-dessus de son trône? Regardez, il est rentré dans le ghaib. Il est rentré dans quoi? Dans la science de l'invisible. Il est rentré dans le ghaib. Il a dit, kayfa stawa. Malik, qu'est-ce qu'il lui a répondu, rahimahullah ta'ala? Ils disent dans des riwayats qu'il a transpiré l'imam Malik. Ah oui, parce que toi, quand t'as khalas, hein, comment dirais-je, toi, t'as atteint un niveau de piété, de wara, etc., comme l'imam Malik, mashallah, quand il a entendu ça, c'était un diable qu'il y avait devant lui. C'est pour ça qu'il a dit, khiriju ali hada al-mubtadi'. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment Allah il a stawa? Il a transpiré, il a réfléchi, et ensuite, il a dit cette règle, qui est une règle, on l'appelle la règle d'or. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, hein, il a donné une règle d'or. Il a dit, Al-istiwa, ma'loum. Ma'loum, chez qui? Chez l'arabe. Quand tu dis istawa ala, d'accord, istawa ala rahilati, istawa ala kada, les arabes comprennent ça. Il s'est élevé au-dessus d'eux. Ils comprennent ça. Les arabes comprennent. طيب. استوى على استوى معلوم. Ensuite il dit ها والكيف مجهول et le comment il est il est inconnu. والسؤال عنه بدعة. Pourquoi? Parce que ce سؤال là, cette question n'a jamais été posée par les sahaba. Donc procédé d'élimination. طيب. C'est معلوم. C'est connu chez les Arabes. Et ce n'a jamais été posé comme question. Les Sahaba. Pourquoi? Parce que les Sahaba avaient des uqul nayyira. Ils avaient des raisons, des uqul, na'am, des esprits et des raisons. Ils étaient illuminés, les Sahaba, radiyallahu anhum. Ils avaient la fitra salima. Hein, ils étaient salim. Ils étaient épargnés de toutes ces, hein, de toutes ces souillures là, mentales. Taïb. Radiallahu anhum. Il n'y a qu'une seule position qu'on peut avoir ici, c'est de dire d'affirmer la chose et dans ce qui lui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah? D'affirmer qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, tayyib, et que cela lui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah? C'est simple ou c'est pas simple? C'est simple. C'est simple quand tu le sais et tu l'apprends. Amma, si c'est eux les premiers qui t'attrapent et qui te mettent ces choubouettes, là c'est plus simple. Vous avez compris? Là, c'est plus simple du tout. La majorité de ces gens-là, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils leur ont donné une haine. Ils disent même que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, n'a jamais dit ça. Ils disent l'imam Malik n'a jamais dit ça. Et ça, c'est la même technique que les autres. Hein. C'est-à-dire les Yahouds qui étaient avant eux, ils disent non, ça. Hein, ils disent non, ça, c'est pas vrai, c'est faux, etc. Ouais, et l'iman bihi wajib, j'ai oublié celui-là. Wal-iman bihi wajib. Pourquoi l'iman bihi wajib? Pourquoi? Parce qu'Allah il l'a dit. Vous avez compris ça, inshallah? Vous avez compris? Tayyib. Donc ici, il te dit wa tamna'u an yakuna mushabihan. Regardez, il a utilisé mushabih. طيب يعني كما ينبغي أن نقول مماثلا بدلا من مشابه. الشيخ il est revenu sur ce terme là. Il a utilisé مشابه. مشابه ça veut dire à peu près la même chose que ressemble. D'accord? Presque la même chose. Parce que مشابه en réalité c'est ressembler d'une manière. D'accord? C'est ça مشابه. Tandis que مماثل c'est ressembler totalement. Vous avez compris? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a dit laysa ka shibhihi, par exemple, shay? Il n'a pas dit ça. Allah il a dit laysa ka mithlihi shay. Rien ne lui ressemble totalement. Vous avez compris ça, inshallah? Vous avez compris ça, inshallah? Il y a une différence entre le mushabih et le mumathil. Tu dis Muhammad, il ressemble à Bouzaïd. Ils ressemblent dans quoi? Bah déjà, c'est deux Arabes. Taïeb, ils sont mashallah. Hein? Ils ont presque la même barbe. Taïeb. Bon, après, il y a des détails qui font qu'on ne se ressemble plus. Mais ils ressemblent. Ça veut dire quoi? Mushabih, Fulan, Yushbih ou Fulan, ça veut dire qu'ils ressemblent dans des points. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Mais Sheikh, au départ, dans le kitab, il avait dit. وَتَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُشَابِهًا لِلْخَلْقِ فِي ذَاتِهِ. Il avait utilisé le terme مُشَابِه. Il l'a enlevé. Il a dit كَمَا يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ. Ça c'est dans le charh. مُمَاثِلًا بَدَلًا مِنْ مُشَابِهًا وَلَكِنِّي كَتَبْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُشَابِهِ وَالْمُمَاثِلِ. Il a dit j'ai écrit cette risala, mais je n'avais pas. Je ne connaissais pas la différence, regardez, sauf le tawadu' de Shir. Je ne connaissais pas la différence entre quoi? Entre le mushabih et le mumathil. Et il dit, wa kana al-awna fi at-ta'bir, le mieux était d'écrire al-mumathala. Al-mumathala badalan min al-mushabaha. Vous avez compris? Il a préféré écrire mumathala que quoi? Que al-mushabaha. Vous l'avez directement en français, ressemblance, etc. Taïb. Mais là, non. Shir, il a dit en termes linguistique, en termes d'arabe, hein, au niveau de la langue arabe, c'est pas la même chose. Il dit pourquoi? Il dit al-awwal. Il a dit cela, je dis ça parce qu'il y a plusieurs asbab, plusieurs causes. Al-mumathala huwa al-lafdhu alladhi 'abbara Allah bihi. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, il n'a pas dit laysa ka shibhihi. Il a dit laysa ka mithlihi. Et regardez, Allah, quand il utilise un terme, il faut rester sur ces termes. Et quand tu t'écartes du terme, tu peux tomber dans l'erreur. Et tu tombes dans l'erreur, forcément. Vous avez compris? Et c'est pour ça que Shir hein, est revenu sur cela. فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَفَى الْمُشَابَهَ. Allah n'a jamais rejeté quoi? Al-Mushabaha. Mais il a rejeté quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nafa mada? Al-Mumathala laysa kamithlihi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? طيب. وذلك لأن المماثلة هي التي تقتضي المساواة. Pourquoi? Parce que المماثلة incombe l'égalité, c'est-à-dire la ressemblance sous toutes ses formes. C'est ça المماثلة. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Allah sur toutes ses formes? أعوذ بالله. لا. Vous avez compris ça, inshallah? لا. Allah, personne ne lui ressemble. سبحانه وتعالى. الثاني تدي أن التشبيه صار اسما عند قوم ينفون بكل ما ثبت لله من الصفات يقولون هذا التشبيه حتى إن كانت المشابهة في مطلق المعنى يقولون هذا التشبيه. Regardez, même dans مطلق المعنى, مطلق المعنى ça veut dire dans le sens général. Regardez, et là vient et intervient les règles qu'on a vues sur les mots, les liens qu'il y a entre les mots. Vous me suivez? Regardez, il dit تشبيه, il y a des gens qui ont pris le fait que mutlaq al-ma'na, c'est le sens général. D'accord? Et le tashbih, celui, c'est les gens là, les shayatines, hein, moi je les appelle les shayatines, parce qu'il faut les tous les mettre dans un sac, il faut les appeler les shayatines. Ou alors un nufat, tu les appelles les négateurs. Taïb. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mutlaq al-ma'na, mathalan, tu prends al-yad. Al-yad, la main. D'accord? Mutlaq al-ma'na, c'est son sens général, son sens absolu, al-yad. Nous, on a vu que le mot pouvait avoir plusieurs sens, ou des fois deux mots étaient différents mais avaient le même sens, etc. Vous vous souvenez des halakats qu'il y avait entre les mots? Lui, il vient et prend Aliyet. Il te dit Aliyet, dans son sens général et absolu, c'est un membre, etc., avec des doigts, etc., etc. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Il te dit, si tu affirmes Aliyet, forcément, tu as fait ressembler la créature à qui le créateur à la créature. Mais c'est à cause de quoi? À cause du terme lui-même, la main. Vous avez compris? Ils ont pris le terme la main, ils ont dit oui, mais ça changera, donc forcément. On lui dit non. Là, on le stoppe. Mais tu l'as vu, la main d'Allah? Non. Bah, khlas, alors pourquoi tu dis qu'elle ressemble aux créatures? Vous avez compris? On revient à la première manière de niqash. Vous avez compris ça? Eux, même la ressemblance, elle existe même dans le terme. Vous imaginez où ils sont partis? Vous avez compris ça, Inch'Allah? La ressemblance, main, main. Directement, ils ont fait main égale main. Tout de suite. Tashbih. Il te dit, ben, nous, dans ce cas-là, on n'utilisera plus ce terme-là, tashbih. Parce que ressembler, la ressemblance, c'est ce que ont fait les noufates. Les noufates, ils ont dit main, main. Directement. Et ils ont fait ressembler les deux. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est bien compris, Inch'Allah. طيب. Et tu dis, « وهذا تشبيه يقول ينفون الصفة لذلك أنكروا كثيرا من الصفات لأن المخلوق والخالق يشتركان في دو... » Voilà. Ils ont dit, « الخالق والمخلوق hein? » الخالق والمخلوق نعم. Le créateur et le créé ou la créature, نعم, par le fait qu'il se lie, hein? Qu'il se lie sur mutlaq al-ma'na, sur le sens général de ce mot-là, regardez, hein, de ce mot-là, fasara kullu man athbata sifat indahum min al-mushabbiha. Ça veut dire que toute personne qui va forcément, toute personne qui affirme une sifa, comme l'yed, on a dit, comme la main, d'accord, il va tout de suite dire que toi tu es mushabbih. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? Ahl sunnah ne sont pas des mushabbiha, ya masakin. Ahl sunnah ne sont pas des mushabbiha. Est-ce que, regardez ce qu'ils disent, ils disent, si tu affirmes la main, tu es un mushabbih. Pourquoi? Parce que la main, nous on sait c'est quoi une main. C'est hein, ce que vous voyez là, ce membre avec un pouce, avec, directement. Eux pour eux, c'est... Hein. Si toi tu affirmes cela, forcément tu l'as. Tu as fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous leur disons, ya masakin, Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez vu? Non, khalas. C'est une main, Allah alam, comment elle est? Sa'alala, Allah alam. Pourquoi? Laïsa kamit li hishay. Vous vous dites tout le temps laïsa kamit li hishay pour quoi? Rejeter les sifats. Nous, on dit laïsa kamit li hishay pour rejeter quoi? C'est ressemblance et tout ce que vous nous rapportez là comme règle. Hein, ces règles qui ne servent à rien. Fahimtoum ya ikhwan? Fahimtoum? Vous avez bien compris ça, Inch'Allah? Donc, Shir, il te dit, on va éviter d'utiliser ce kalam là qui est al-mushabaha. Vous avez compris la deuxième raison? Bon, déjà, si vous avez compris ces deux mots, mais en vérité, on peut s'arrêter sur quoi? Sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé ce terme-là. Et ni le prophète, alayhi salatu wassalam. Sah ou lala? Khalas. La mithla lahu. La nidda lahu. Nid, c'est quoi? C'est un égal. Nid, c'est mathil. D'accord? Allah dit, فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ nid andadan. Sah? Hein? Et sur le shirk, le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit? Sur le shirk, il dit, quand on lui a posé la question, il dit ash-shirk huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Est-ce que vous avez bien compris cette règle-là, cette halala? D'accord? Donc al-mushabaha, on l'enlève. Ça, c'est en termes arabes. Ça veut dire que plus tard, quand tu vas lire, tu vas comprendre pourquoi le terme tashbih, il ne faut pas l'utiliser. Donc eux, ils nous qualifient de mushabbiha. Nous on dit on n'a jamais shabbah Allah. Parce que pour shabbah Allah, pour faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala, il faut forcément avoir vu la chose à laquelle tu veux ressembler. Là, je vous ai donné l'exemple de la ressemblance entre moi et Mohammed. Pourquoi? Parce que vous voyez Mohammed et vous voyez moi. Vous avez compris? Mais eux, ils te disent, vous êtes des mushabbiha parce que vous avez dit quoi? Vous avez dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Mais en vérité, ils ont utilisé que le terme yed. Vous avez compris? Ils ont utilisé que quoi? Que le terme yed pour dire que nous, on a fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on dit non. Nous, justement, on dit laïsa kamithli shay. Nous, on nuthbit al yed, on l'affirme. Comment elle est? Allahu alam. Comme il a fait l'imam Malik. Il a dit al-iman bihi wajib, et c'est la règle d'or. Il a dit l'iman bihi wajib, c'est-à-dire quoi? L'istiwa. D'accord? Al-iman bihi wajib. Pourquoi? Parce que c'est cité dans le Coran, Ar-Rahman al-Arash istawa, d'accord? Mais il l'a affirmé, il l'a affirmé. Est-ce qu'il a dit comment il était? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment Allah subhanahu wa ta'ala est. Vous avez compris? Et c'est la même chose. Et on répète toujours ça. Fahimtum hada? Voilà la sifat. Al-hala thalitha, puis après on s'arrête, parce qu'inch'Allah. طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولو ورد ولورد نعم ولورد هذين نعم عفوا ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول الله أكبر. Si seulement les salafis aujourd'hui pratiquaient cette règle-là, wallah, on serait beaucoup en paix de beaucoup de problèmes. Et vous allez voir et vous allez être étonné. C'est dans un livre de l'Uthaymin. D'accord. Et là, il parle quoi? Négateur, affirmateur. D'accord. Donc, Mubtadi' et Sunni. Comme ça, on est clair. D'accord? Taïb. Lise cette règle, Allah ibarik fik, élève ta voix. Et vous élève ta voix, Inch'Allah, hein, de haute voix, lis-la bien, et vous allez comprendre maintenant, hein, Allah musta'an. Beaucoup de choses. Je répète encore une fois, Azans Mahli. Je répète encore une fois. La première, on est d'accord. La deuxième, on n'est pas d'accord. D'accord? Moi, je ne te suis pas sur ça. Moi, je te suis sur ça, la première. Et tu le dis et tu rapportes les délits. D'accord? Comme il l'a fait chier. La deuxième, il dit quelque chose? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que ça, c'est batel. D'accord? Tayyib. Et là, maintenant, on arrive dans une troisième étape dans le niqash. C'est quoi? C'est qu'il se taise. Il ne parle pas. Vas-y. Hein? Donc, ce qui est impliqué doit être gardé sous silence. Voilà, il est sous silence. Khalas. On ne sait pas. Tayyib. Vas-y, on ne mentionne ni non l'interdit l'implicite. Dans ce cas, son jugement. Ça veut dire qu'il ne dit pas. Hada yelzem ou hada la yelzem. Ça implique ça ce que tu dis ou ça implique pas. Il se tait. Moi je me tais. Tu m'as dit quelque chose, je me suis tu. Voilà, j'ai rien dit. Ma foum, taïb. Dans ce cas, son jugement est qu'il ne peut être attribué à l'locuteur. Ah, et voilà. Vous avez compris? Tu ne peux pas l'attribuer à cette personne-là. Mohamed, il me dit quelque chose, il me dit une bid'a. Mohamed, non, Inch'Allah, tu ne dis pas de bid'a. Pourquoi je dis Mohamed? Parce qu'il est en face de moi. Tant pis pour toi, tu ne t'assieras plus là. Mohamed, il me dit quelque chose. On va dire, le Moubtadi', il me dit quelque chose. Pas Mohamed. Hacha Mohamed. Le Moubtadi', il me dit quelque chose. Moi, je me tais. Pourquoi je me tais? Il y a plein de solutions. Enfin, il y a plein de raisons. Il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas. Ça se trouve, il m'a mis une choubha. Ça se trouve. Vous avez compris ça, Inch'Allah? J'arrive pas à lui répondre. Je ne peux pas lui répondre immédiatement, etc., etc. Ah non, non, non. Toi, regardez ce qu'ils font là, nos frères, des fois, certains qui font du relou là. Ils disent quoi? Si tu étais avec lui, regarde, déjà tu étais avec lui. Ça incombe, ça. Ça implique que tu es avec lui déjà. Tu as marché avec un tel, tu es avec un tel. Taïeb, bon ça, on n'en parle même pas. Hein? Ça, c'est une autre règle, ça encore, qu'ils ont inventé. Parce qu'il n'y a pas de nasiha dans le din avec eux, etc. Taïeb. On va prendre dans le fait où il y a un iqash. Le fait que moi, je me suis tu, khalas, sakattu. Je me suis tu sur ce qu'il a dit. Est-ce que ça veut dire que, forcément, je dois faire que je suis en accord avec lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il se peut que, khalas, j'ai pas de réponse à lui donner, etc. Je suis là, je suis bloqué par ce qu'il a dit, etc.